Voici votre bulletin régional. Le 19 novembre, à 17h30, aura lieu le souper de Noël du chaînon d'amitié de Hastings à la salle du chevalier de Colomb. Réservation auprès de Pierre Tremblay. Un atelier de croissance personnelle, intitulé « Le mandala », se tiendra le 20 novembre, dès 13h, au 37 rue Angus Nord à Hastings. On doit s'inscrire à l'avance. Le vaccin antigrippal sera offert le 20 novembre, de 8h30 à 11h30, à la salle des loisirs de Saint-Isidore de Clifton, puis de 13h30 à 16h30 à la salle de la FADOC à Marbleton.